petit, c'est le monde. Bien si petit et accueille pourtant tant de gens que ton vagin. Mais savais-tu à quel point tu es seul dans la nuit à chercher dans le désert ton chemin en vain? Moi je ne suis qu'un homme qui avance aveugle comme une chauve-souris volant vers la délinquance. Mais qui nommes-tu dans mon si atypique ceux qui cherchent un bonheur si utopique? Je me la raconte avec un procédé philosophique qui sont en réalité si parodique. Mais tu sais le monde est si précis et à quel point tant de gens que ton vagin. Mais savais-tu à quel point tu es seul dans la nuit à chercher dans le désert ton chemin en vain? Moi je ne suis qu'un homme qui avance avec comme une chauve-souris volant vers la délinquance. Mais qui nomme-tu d'un nom si atypique ceux qui cherchent un bonheur si utopique? Je me la raconte avec dans cette philosophie qui sont en réalité si parodiques. Il paraît que tu vis une belle histoire d'amour. Moi aussi, mais je ne ressens pas grand chose. Pas que la philosophie au champ et que l'amour. Mais je déteste me doper pour poursuivre l'osmose. Tout le monde fait des erreurs et même les innocents. J'ai oublié mais pas pardonné comme ce qui fait plus rien mais qui reste dans mon sang. Avant c'était mais pas tes doigts dans ton nez. Maintenant c'est change de palme et t'inquiète, je n'ai pas changé. Pareil que tu vis une belle histoire d'amour. Moi aussi mais je ne ressens pas grand chose. Même la philosophie aujourd'hui et que l'amour. Je déteste me louper pour poursuivre l'osmose. Tout le monde fait des erreurs, même les innocents. J'ai oublié mais pas pardonné comme ce qui fait plus rien mais qui reste dans mon sang. Avant c'était mais pas tes doigts dans ton nez. Maintenant c'est genre le poème. T'inquiète, je n'ai pas changé.